10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, les liquides. Et les plus grandes disent que je suis mortel. Je coupe mes locks, je fais dans 40 000 personnes. Et ta petite sœur dit que je suis mortel. 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, les liquides. Et les plus grandes disent que je suis mortel. Je coupe mes locks, je fais dans 40 000 personnes. Et ta petite sœur dit que je suis mortel. Chez moi c'est tous pour un, pour un. Et nous contre eux tous. Mon frère si tu vas te payer, tu gagnes ou perds, je saute. Mon frérot comment je t'aime, t'es mon frère, mais d'une autre mère. Ton allume un bas, j'allume, je prends tes patins, t'inquiète mon frère. En vrai je sais tout mais, c'est comme si j'avais rien. Il sourit devant ma gueule et ose galer, j'ai devant mes yeux. Je viens d'un monde ténébreux où beaucoup d'entre eux deviennent fous. Il pleut, il cache, il tout gris, les méchants ils tournent le cou. Sujet très ASREN, sujet très ASREN. On se connaît à peine, mais tu veux que je t'arrange. Je suis sur un balcon, un gros joint tarlétang. C'est de la super patate, gamin, ça fout plus qu'un volcan. 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, les liquides, les liquides. Et les plus grandes disent que je suis mortel, que je suis mortel. Je coupe mes locks, je fais dans 40 000 personnes, 40 000 personnes. Et ta petite sœur dit que je suis mortel, que je suis mortel. 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, les liquides. Et les plus grands disent que je suis mortel. Je coupe mes locks, je fais dans 40 000 personnes. Et ta petite sœur dit que je suis mortel. Bienvenue de l'autre côté. Ici aussi c'est B. Y'a un bout qui dessine toutes ses visions. Gros c'est B. Dans la nuit y'a OB. Gros voleur de BK. Si ce mec là t'attrape. Même moi je peux pas t'aider. Et chez lui tout est rouge. C'est jaune et ses étriers. Et ceux qui lui devaient des sur les sous. Par plaisir les a éventrés. C'est moi qui dégrave tout. La vie je l'ai dure. Et même les meufs aiment des potes. Et lui tout seul il fait la guerre à tous les keufs. C'est fille de plus. Sujet très ASREN. Sujet très ASREN. On se connaît à peine, mais tu veux que je t'arrange. Je suis sur un balcon, un gros joint tarlétang. C'est de la super patate, gamin, ça fout plus qu'un volcan. 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, les liquides, les liquides. Et les plus grandes disent que je suis mortel, que je suis mortel. Je coupe mes locks, je fais dans 40 000 personnes, 40 000 personnes. Et ta petite sœur dit que je suis mortel, que je suis mortel. 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, les liquides. Et les plus grandes disent que je suis mortel, que je